réunion à café midi à 14h. Ce con de papillon nage dans mon cognac, et au fond ce n'est bon ni pour lui ni pour moi. Tu m'as téléphoné, j'avais mes lunettes noires. Comment tu fais chaque fois, tu reconnais ma voix? Les toits font le gros dos et le dernier lézard. Sans un mot se faufile dans la tiédeur des tuiles. Oh vraiment j'aimerais bien que mes ronds de fumée fassent des auréoles autour de tes seins. Je balance dans le noir le bout de mon mégot, et cette étoile filante devient vert luisant. La nuit est en chaleur et se traîne en langueur. Les plantes à l'intérieur sont mal dans leur peau. Mettez le doigt de la bande d'une pincée de cigare. Trois larmes de soleil et laissez reposer. Le temps prend tout son temps et c'est doux de chercher. Midi à 14h quand c'est l'horaire d'été. Ce n'est bon ni pour lui ni pour moi. Tu m'as téléphoné, j'avais mes lunettes noires. Comment tu fais chaque fois, tu reconnais ma voix? Mettez le doigt de l'avant d'une pincée de cigale. Trois larmes de soleil et laissez reposer. Le temps prend tout son temps et c'est doux de chercher. Midi à 14h quand c'est l'horaire d'été.